on admet que c'est vrai. Bah, le vrai c'est vrai ce qu'on dit. C'est la vérité ce qu'on dit. Le vrai, c'est l'original, quoi, tu vois. C'est l'original. Et le fait est que c'est du faux, tu vois. Ouais, voilà. Ouais, mais le vrai, c'est différent ce que la vérité. C'est l'original, comme on dit. Parce qu'il y a différentes. Je pense qu'il y a des multiples vérités, mais il y a des choses qui sont vraies ou sont pas vraies. Et il y a des choses qui sont vraies et des choses qui sont pas vraies. Il y a un très beau film d'ailleurs de. Comment il s'appelle, de Orson Welles. Orson Welles. C'est quoi ça? Qui s'appelle Orson Welles, c'est un réalisateur de cinéma. C'est un film qui s'appelle. Animateur de radio aussi. Qui a fait une super émission de radio à l'époque. Qui s'appelait. Comment il s'appelle l'émission? C'était une émission sur le martien qui arrivait sur Terre. Il faisait tellement ça, tellement réaliste que tous les gens sortaient en courant de chez eux. Ah, tout le monde sortait en courant de chez eux, c'est ça? Ouais. Ouais, ouais, mais voilà. Et Montaigne dit que la vérité a plusieurs visages. La vérité a plusieurs visages. Ouais, c'est Montaigne qui dit ça. Non, c'est pas moi. C'est Montaigne qui dit ça. C'est Montaigne qui dit ça, c'est ça. Et t'as repris exemple sur Montaigne. Non, c'est pas mon exemple, mais je l'aime bien. Ouais, Montaigne, fabuleux. Alors, tu peux continuer un petit peu. Après, il dit, c'est un problème qui nous paraît oiseau, mais qui n'est pas les pas en vérité, c'est le même que les choses que nous parlons, mais nous même en temps. C'est ensuite que je peux restituer la comparaison ou l'analogie sous la métaphore. Ensuite, l'auditeur apprécié de le coup d'œil de ce délicté rapprochement en ce temps de la jouissance esthétique. C'est pas la jouissance esthétique, mais c'est l'état d'esprit de la personne. Oui. Et l'état d'esprit, tu parles. L'état d'esprit, c'est la pensée de la personne. Ouais. Est-ce qu'il y a une différence entre l'esprit et l'âme pour toi ? Il y a l'esprit, il y a l'esprit de la personne, il y a l'âme, ce qu'elle pense dans son âme, la personne. Il y a ce qu'on pense dans l'âme. Micro. Il y a une différence entre l'esprit et l'âme. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Ouais. Qu'est-ce que tu penses, Dominique ? Je ne sais pas. Tu ne connais pas, tu ne penses pas pour l'instant. Après, tu vas penser. Tu vas aller à la vitesse de la pensée, comme disait Épicure. L'âme, c'est le corps astral. Oui. Et je suis l'idée après. Je sais pas qui veut me forcer. Essaye de toucher. L'esprit, c'est ce qui vient de Dieu, c'est ça? L'esprit, c'est ça? C'est l'âme. C'est quoi l'esprit? L'âme. L'esprit, c'est l'âme? L'âme, H-A. Non, mais c'est entre l'esprit et l'âme. C'est quoi la différence? Entre l'esprit et l'âme? Ouais, c'est quoi la différence? C'est le cerveau qui fait réfléchir. Pardon. C'est quoi qui fait réfléchir? C'est le cerveau qui fait réfléchir. C'est l'âme ou c'est l'esprit? C'est l'âme. C'est l'âme, hein? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'est l'esprit? Qu'est-ce qu'est l'esprit? Chaque homme a un esprit. Il vient d'où? C'est quoi? C'est peut-être Dieu, c'est peut-être... Ah. La croyance aussi, non? Oui. Ouais. Si tu dis l'esprit, c'est la croyance des origines des autres. Et là, je peux continuer à lire? Ouais. Il dit... Non, mais on peut continuer à parler, oui, c'est bon. C'est toujours le temps que reconnaissance de qui est l'esthétique. Je reconnais que l'individu mime celui-là. Topique 1104 à 9, la métaphore, en effet, n'est pas le procurer une certaine connaissance, une chose signifiée, en raison de la ressemblance qu'elle établit, car toutes les fois qu'elle se sert de la métaphore et le fait que toujours la quelque ressemblance. Trop compliqué pour moi. C'est complexe, pas compliqué. Ouais. Non, c'est quoi la différence entre complexe et compliqué, par exemple? Complexe, c'est quand c'est plus compliqué. Oui, c'est double complexité. Double complexité. Ouais, je suis d'accord avec toi, parce que les choses peuvent être complexes, mais pas compliquées, des fois. Des choses peuvent être complexes, mais pas compliquées. Ouais, en fait, si vous voulez vraiment savoir qu'est-ce qu'on aime, il faut se comparer aux autres êtres vivants, les animaux et les végétaux. Nous, on est en trois parties. On a le corps, dont fait partie le cœur et le cerveau. Le cœur et le cerveau, c'est ça ? Oui, c'est ça. On a l'esprit. On a l'esprit. être psychologue, c'est communiquer avec l'esprit. Communiquer avec l'esprit. C'est ça, communiquer avec... Et l'âme, l'âme, c'est autre chose, en fait. C'est après la mort. C'est après la mort, ouais, c'est ça. C'est après la mort. Après la mort, notre âme nous quitte. Et c'est ce qui nous différencie des animaux, le fait qu'on ait une conscience du bien et du mal. Sans âme, eh ben, on n'est plus rien que des animaux. Sans âme, on est des animaux. On se tue pour un rien. On se bat pour un rien. On vole pour un rien. On n'est plus que des animaux sans âme. Mais des fois, et l'âme, elle est importante. Hein. Oui. Sinon, on n'est plus humain. Des fois, je pense que les animaux sont des lames aussi. Hein, et, puis, et il parle ici, le rapprochement de la mimésie est excellent encore, faut-il savoir sur ce qu'on entend de la mimésie par la représentation de l'auteur commentaire dans le temps de contemplation de la théoria. Ils n'ont pas saisi la métaphore en acte. Aristote et ses disciples ont tenté de penser. Qu'est-ce que tu dis là-dessus ? Le temps de contemplation, la contemplation, ça veut dire contempler. Ouais. Et la théoria, ça veut dire la théorie. Et la discipline, et ses disciples, c'est-à-dire les disciples, ont tenté de penser, qu'il dit la pensée, en fait. Ouais. Qu'est-ce qu'ils pensent les autres ? Dominique, tu as des... Non. Non ? Parce que l'autre jour, je connais quelqu'un qui disait qu'on avait trois parties de... Il y avait le cerveau. Il y avait le cerveau. Il y a l'esprit. Il y a l'esprit. Et la pensée. Il y a un... Ah oui, c'est là. Ça, c'est le... Est-ce que... Le cerveau, il... Vas-y. Est-ce que le cerveau, il est influencé par l'esprit ? Bien sûr. Bah oui, je pense. Sans le cerveau, c'est influencé par l'esprit. Ouais. Bien sûr. Mais en plus, tu vois, aujourd'hui, on donne de la hyper importance au cerveau, mais chez les Égyptiens, par exemple, la pensée ne venait pas du cerveau, ça venait entre les liens entre les cœurs et le cerveau. Donc chaque affect, tu vois, te fait penser une chose. C'est pour ça que nous, là, les hypersensibles, dès qu'il y a un affect, on est un peu comme ça, tu vois, on a du mal à gérer les affects. Ah, j'ai une question. Fini, hein. Un peu. J'ai fini. Et Martin, ouais. Oh, je dois partir. Martin, non, il nous fait toujours ça. Non, c'est sûr. Tu es un acteur, tu es un bon acteur. Et la semaine prochaine, il n'y en a pas. Hein. Bien samedi. Samedi à 15h, on commence le film. Putain. Voilà, continue. Il est déjà parti. Il est trop fort. C'est bon. Attends, fais encore. Martin, je m'en rappelle plus. Trop fort le mec. Tu te rappelles plus de quoi ? De Sylvie. Les livres là, tu peux les voir. Il parlait de l'esprit et de l'âme, il parlait. Bah, on était en train de parler de la distinction entre l'âme, l'esprit et le cerveau. Mais parle pas, enfin, Lucas, donne lui, il a un casque. C'est des chakras. Des chakras, tu penses ? Ouais, les chakras, c'est une autre manière de. En fait, c'est des configurations de comment on pense. Comment on pense la pensée, ou la fabrication de la pensée, tu vois. Il y a les hindous qui parlent de chakra, les chinois, ils parlent de méridien. De quoi, les indiens, quoi. Et voilà, tu peux parler d'autre chose, tu peux... Non, j'ai rien compris. Bah, on parle d'Aristote, c'est pas ça. Parler d'esprit, Martin, de l'âme. Mets les casques, parce que comme ça, tu entends bien ta voix. C'est trop dur. Hey, Martin, ouais, je dis ça, mais tu sais, moi, je suis des origines, hein. Ouais. Du Vietnam et de l'Inde aussi. Ouais. Mon grand-père, c'est vietnamien aussi. Et là-bas, ils sont une autre type de pensée de, ouais, par moi, rapport à... deux origines, j'ai moi. Ouais. Vietnam et de l'Inde aussi. J'ai deux origines. C'est bien d'avoir deux origines. C'est quand un mixeur un peu, tu vois, quand ouais. Tu mixes un peu. Tu vois. On est tous un peu mixés, mais. C'est comme un mixeur. Farouk, tu penses quoi ? Oui. Attends, tu abaisse le on va baisser ton casque. Alors, Farouk, en fait, j'ai juste une réflexion. Ouais. Concernant le cerveau. Ouais. On t'entend. On m'entend. Ouais. En fait, j'avais rendez-vous avec une psy. Une cervologue. pour mon genou là. Ouais. Pour voir dans quel état je suis, etc. Et à un moment, elle m'a dit, le cerveau, par exemple, si j'ai envie de sauter du haut d'une falaise, enfin, genre, dans l'eau. Oui. Qu'est-ce qui me freine ? Si moi, mon envie, c'est de sauter, c'est des récepteurs dans mon cerveau qui me bloquent, qui me disent « le fais pas ». Donc c'est un combat dans mon cerveau entre moi et moi, enfin je sais pas comment dire. Ouais, ouais, enfin une partie de toi et une autre partie de toi. Mais c'est quoi qui bloque en fait ? C'est ça que je comprends pas. Si c'est dans mon moi j'ai envie de sauter. Il y a la peur qui s'installe, mais la peur elle provient de signaux qui viennent dans mon cerveau. Bah, on ne sait pas très bien. Aujourd'hui, on pense comme ça. Tu sais, les neurosciences, ils pensent qu'il y a des neurones qui envoient des signaux, machin. Mais chez les Égyptiens, justement, il y avait des affects, des sentiments, des perceptions, tu vois. Il y a un philosophe qui s'appelle Spinoza, que Jérémy connaît bien, qui dit que chaque fois que tu as un affect, quelque chose t'affecte en tant que sujet, tu as deux sœurs jumelles qui apparaissent devant toi. La tristitia, en fait, la tristesse, et la laetitia, la joie. Et toi, en tant que philosophe, tu allais choisir si tu allais sombrer dans la mélancolie, dans la tristesse, ou si tu allais choisir de la joie et tu vas vivre avec les autres d'une manière pas pleine, en fait, tu vois. Donc je pense qu'il y a toujours une espèce de bataille à l'intérieur de nous, de choisir celle qui nous fait un peu du mal, c'est-à-dire celle qui nous éteint, qui nous rend triste, et ce qui nous amène vers le change avec les autres, vers la vie. C'est un peu le principe du « up » et du « down ». Un coup, tu vas être en mode up, ça veut dire que plein de joie, et ça va te donner de la force pour faire tes activités ou autres. Ou sinon, tu vas être dans le down, la dépression, la mélancolie, tu auras moins de force et tu seras plus attiré vers tes pulsions qu'on dit de mort. Et ouais, le down, c'est ça, hein. Le down, c'est des pulsions qui t'attirent de plus en plus vers la mort. Ça n'a pas de rapport avec la mélancolie. Ça n'a pas de rapport avec le conflit dans le cerveau. Oui, c'est un conflit entre la tristesse et la joie. C'est le tristesse. Non, mais c'est genre, la joie, le conflit. Sauter. Hein. Enfin, je sais pas. J'ai donné l'exemple de sauter. Ouais. Par exemple, avec ma jambe. Ouais. Si je veux, mettre un coup de pied. Ouais. Je me dis que je peux le faire. Ouais. Mais si je le fais, je sais que je vais me faire mal. Enfin, je sais pas. Ouais, non, mais c'est pour ça. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut parler de l'inconscient aussi. Tu vois, tu as une partie consciente. Est une partie inconsciente des choses. En gros, c'est la conscience qui fait jouer ton cerveau. Il y a une partie consciente, une partie inconsciente. En gros, si tu es conscient, en gros, tu vois, tu sais que si tu vas sauter d'une falaise, tu sais que tu peux te tuer aussi. Non, mais c'est dans l'eau. Ouais, mais si tu fais un plat ou si tu... je sais pas, si en dessous de l'eau, il y a un petit rocher ou... tu vois. Tu peux te tuer aussi. En gros, donc c'est dans ton cerveau c'est ton cerveau qui t'envoie des images en te disant attention, peut-être il y a un rocher, peut-être tu vas faire un plat. En gros, ton cerveau il a conscience. Tu vois, il y a une conscience. Tu vois, il a conscience que la hauteur. Il met des alertes. Il te met une alerte dans le cerveau. C'est tes neurones en gros. Mais tout ça, c'est dans le cerveau en fait. C'est dans le cerveau. Il y a Dominique qui veut dire quelque chose. On va l'écouter. Partie inconsciente toujours. On va l'écouter. Mets-toi ça. Ok. J'ai plus quoi dire. Bah, c'est le cerveau. Moi, c'est ça. C'est la conscience qui... Je vois. En gros, si t'es inconscient... On parle de la... Si par exemple, t'es alcoolisé. T'es pas concentré, tu vois. C'est pas Socrate, c'est Aristote. Tu vas faire des choses qui... Aristote. Aristote, j'ai jamais lu. Mais là, on parle d'autre chose. On parle pas forcément d'Aristote. On parle de la... Pour moi, c'est ça. Je sais pas. Mais toi, Dominique, par exemple, des fois, tu as des idées qui t'amènent vers être heureux. Et des fois, tu as des idées qui t'amènent vers des choses un peu plus tristes. J'étais heureux dans une fois. Tu n'as jamais été heureux de ta vie ? Si, quand j'ai mes enfants. Oui. Quand tu fais de la poésie aussi, tu es heureux. Oui, avec ce qu'il faut écrire. Tu vois ? Moi, je pense que la philosophie, ça sert à ça. Ça te permet de justement choisir quels sont les moments joyeux qu'on choisit, tu vois, et quels sont les moments un peu tristes qu'il faut éviter. Ah, hein. Après, tu es plus ou moins conscient. Tu vois, là, par exemple, heureusement, tu as une partie qui tient à ta vie, enfin, qui tient à que tu ne fasses pas des actes un peu qui finiraient... Ouais, c'est, comment on dit, l'instinct de survie. Oui, voilà, il y a un instinct de survie, un instinct de vie. Tu vois, mais des fois, l'instinct de survie, ça nous fait faire des trucs risqués aussi. Ouais, c'est vrai. Mais parce que dans notre cerveau, on se dit qu'on n'a pas le choix. Bah, on peut faire différentes choses. Dominique, qu'est-ce qui se passe ? Tu voulais chanter ? Tu veux faire quoi ? Pas bien, lui. Tu te sens pas bien ? Non. D'accord, c'est pas grave, tu reviens. Mercredi prochain, il n'y en a pas à la radio, hein, mais dans 15 jours. D'accord ? Ok, tu peux leur dire tout. Mercredi prochain, il n'y en a pas. Et le si. Ah oui, il n'y a pas radio. Ah. Bon, mais c'est un sujet très intéressant. D'une, tu penses quoi de la conscience? Tiens, tu as un casque là, si tu veux. Non, mais je vais changer de place. Non, non, reste là. Non, mais parce que là, il y a une place libre. Mais là, il y a un... Oui, comme vous voulez, micro, ok. Il y a un casque, il y a tout. Ok, comme vous voulez. Merci Dominique quand même de venir. Hein. Écris un poème pour la prochaine fois comme ça. En fait, la poésie, ça va au-delà de ça. Hein. Avant MTR, on va laisser la parole à Nour. Juste avant MTR. C'est qui ça, Nour? C'est qui? Il n'y a pas de Nour ici, il y a Dune. Qui ah, arrive. Dune. On va laisser la. Enfin, tout a commencé parce que avant de partir, Bastien nous lisait Aristote. Et là, il parle de rêve, de l'âme, de l'esprit. Et on disait qu'est-ce que c'est bon pour l'esprit, qu'est-ce que c'est bien pour l'âme, qu'est-ce que c'est la différence entre l'âme et l'esprit. Les rêves, beaucoup d'anthropologues, d'essayistes, d'écrivains ont écrit sur les rêves, l'interprétation des rêves. Freud. Il y a l'interprétation des rêves aussi dans la culture arabo-musulmane, dans d'autres cultures également, mais je vais parler de celles que je connais, celles occidentales et celles arabo-musulmanes. Les rêves, ça représente beaucoup de choses, c'est tout ce qui est inconscient. Mais selon l'endroit où on se situe, de l'Orient ou de l'Occident, l'interprétation des rêves n'est pas la même. L'interprétation des rêves en islam, elle est différente. J'ai acheté un ouvrage là-dessus, c'est très intéressant, sur le rôle et l'apparition des animaux ou de faits qui sont produits dans le rêve. Moi, je pense que les rêves sont vraiment un exutoire. Ça permet à l'inconscient de se défouler et de révéler des choses refoulées, justement. Il y a eu beaucoup d'écrits là-dessus, mais les rêves sont incroyables. Ils nous permettent de nous évader, de faire des choses impossibles. Parfois, on se trouve dans la peau de quelqu'un. Une erreur s'est produite. Une erreur s'est produite. Des erreurs peuvent se produire dans les rêves. Enfin, des erreurs. On peut se trouver dans la peau de quelqu'un qui n'est pas soi, mais on est cette personne-là. On peut faire des cauchemars, des choses qui sont terribles. Lorsqu'on se réveille, on est soulagé de se rendre compte que ce n'était qu'un mauvais rêve. Leur rôle est très important. Je pense qu'ils permettent justement de classifier et de ranger, de compartimenter en fait les pensées et les angoisses refoulées et les pensées non dites. Les non-dits, la non-verbalisation de certaines choses. Donc, je sais que il y a des sages, il y a des personnes âgées qui interprètent les rêves. Je vais parler encore de ma grand-mère, mais elle avait, et il n'y avait pas qu'elle seule, hein, il y en a encore beaucoup d'autres, hein, des anciens, qui interprètent les rêves. Donc, des personnes plus ou moins jeunes vont les voir pour leur demander d'expliquer en fait. D'interpréter le rêve qu'ils ont vécu et en fonction des éléments, du contexte, des apparitions, des choses comme ça, elles sont en capacité de pouvoir dire et de lire en fait le rêve de la personne. Donc c'est un don. Moi, je pense que certaines personnes ont un don pour ça. Alors il y en a qui se disent voyants ou autre chose de cet ordre-là, mais les personnes âgées ont cette capacité à pouvoir élucider ou comprendre de par leur expérience de vie la transmission qu'ils ont pu avoir. Parce qu'il y a le monde de l'invisible. J'y crois, au monde de l'invisible. Ouais. Quoi ? Et dans ce monde de l'invisible, il y a des choses dont certaines personnes sont beaucoup plus sensibles et ont cette capacité à appréhender et à évaluer et à analyser ce monde-là. Voilà. Voilà, vas-y, c'est bon, pardon. Est-ce que les rêves, ça fait partie de l'invisible? Les rêves, est-ce qu'ils font partie de l'invisible? Bon, pour moi, les rêves, ça fait partie du spirituel. Oui. Le spirituel, c'est visible ou c'est invisible? Invisible. Donc ça fait partie de l'invisible. Les rêves font partie de l'invisible, je pense. C'est des messages codés, des choses qui sont véhiculées à travers des images, des sons, des paroles. Mais moi, ce que je pense, c'est que les gens qui ont soi-disant un don de voyance, ils arrivent à voir le passé, le soi-disant le passé de la personne. Ok, peut-être ça c'est vrai, mais le futur, non. Moi, je pense qu'il y a le futur, ça appartient à Dieu, tu vois. Oui, tu peux pas savoir le futur, tu vois. Ouais. Donc ils vont soi-disant te dire que tu vas faire ceci, cela dans ton futur, mais ça va jamais se produire. Mais ça, j'ai déjà pensé. Quelque part, c'est une possibilité, en fait. Une possibilité, ouais. Mais c'est juste qu'on te dit, demain, tu seras riche. Enfin, demain, ouais. Pour dire dans le futur. Ouais. Et toi, inconsciemment, tu vas faire en sorte d'être riche. C'est comme si on te dit, demain, tu vas... C'est induit. Voilà. C'est une suggestion, en fait. Une suggestion induite. Ça peut t'influencer à faire des choix. Ouais. Surtout si... si on parle de trucs du passé qui sont vraiment passés, ouais. Toi, ça va vraiment. Je sais pas, je pense. Ouais, c'est vrai. Bon, en tout cas, c'est un sujet fascinant quand même. Hey, ouais. Tu penses quoi des rêves? Moi, j'aime beaucoup les rêves et j'aime bien quand les gens racontent leurs rêves. Je trouve ça toujours intéressant. Même si souvent on ne se souvient pas de nos rêves, donc je voulais vous demander, est-ce que vous vous souvenez de vos rêves régulièrement ou pas? Après, y a plusieurs. Moi, je me souviens des fois. Vas-y, si mais tu veux. Des fois, on rêve et on ne se souvient pas aussi. Tu vois. Mm-hmm. Tu peux faire des rêves, tu te souviens, mais tu peux faire aussi des rêves, tu vois, t'oublies aussi. Tu vois. Ouais. C'est pas tout le temps. Ça dépend des périodes. Ouais. Tu vois, ça dépend. Surtout si le rêve, il est marquant aussi. Voilà, c'est ça. Tu vois. Si ça marque ou pas. Si ça marque, tu vas t'en souvenir, tu vois. Mais après, tu vas t'en souvenir, mais au fil du temps, tu vas les oublier aussi. Tu vas t'en souvenir, peut-être ça dépend des rêves aussi. À part si tu t'en souviens... Il y a des rêves qui sont vraiment marquants, que tu vas t'en souvenir pendant des années, peut-être des mois ou des semaines. Parce que tu vas y repenser. Tu vas y repenser, tu vois. Mais si tu n'y repenses plus, au bout d'un moment, tu l'oublieras. Ça dépend, non. Je pense. Parce que moi, j'ai fait des rêves où je m'en souviens toujours. Tu vois. Oui, parce que tu te le remémores des fois. Non. Si, inconsciemment, peut-être dans le fond. Peut-être. Parce que dans le cerveau, je crois qu'il y a des genres de cases ou. Par exemple, des sortes de mémoire. Ouais. À court terme, tu peux retenir, par exemple, si tu t'appelles Adim. Mmh. Si personne t'appelle Adim, que tu ne dis pas que tu t'appelles Adim, au bout de 20 ans, tu ne sauras plus que tu t'appelles Adim, en fait. Tu penses? Ouais. Il y a plusieurs types de cases de mémoire. Des mémoires à court terme, des mémoires à long terme, en fonction de. Voilà, Adim, on te l'a répété, donc tu t'en souviens. Ouais. Mais je sais pas. Ce qu'il a dit tout à l'heure sur Aristote, tu t'en souviens pas? Il a dit. Ce qu'il avait dit, Bastien. Parler de conscience, voilà, tout ça. Voilà. Ouais. Mais t'as pas retenu ce qu'il a dit? Moi, ce qu'il racontait, je comprenais pas. À part le truc de conscience qu'on parlait, là, tu vois. Ça, j'ai capté, tu vois. Mais ce qu'il racontait dans le livre, là, moi, je comprenais rien, tu vois. Ouais, même ça, là, ce sujet-là, sur la conscience, ça se peut, dans deux jours, tu vas oublier. Tu vois, enfin, je veux dire, si tu penses pas. C'est vrai, ouais. Voilà. Ouais. Si on revient un petit peu aux rêves, il y a plusieurs sortes de rêves. Il y a les rêves... Parce que le rêve, à la base, c'est l'inconscient. Mais comment il a fait Martin Luther King pour dire à tout le monde « I have a dream ». Ouais, mais ça, c'est... Tu vois. Il y a rêve et rêve. Comment il t'a dit « I have a dream » mais tout le monde l'a suivi. Après, il y en a un autre exemple. Si tu veux, dans les rêves réalistes, dites conscients, il y a l'ambition. Quelqu'un qui a un rêve peut avoir énormément d'ambition, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois. Puis ensuite, il y a le rêve qu'on dit qui est rare, le rêve lucide. Quand tu dors, tu peux interagir avec le rêve. Tu peux interagir dedans, t'es conscient que tu rêves et tu sais que tu vas te réveiller mais tu sais pas quand. Ouais. C'est ce qu'on appelle un rêve lucide et ça on en parle moins de ça en fait. C'est plus des mauvais rêves ça, non? Non, le rêve dans lucide, un rêve lucide tu vois, quand c'est pas un mauvais rêve ni un cauchemar. Dans un rêve lucide c'est toi le patron. Tu non, peux modeler le rêve dans une image. Si tu sais pas quand tu vas te réveiller non, moi, en gros dans, toi tu rêves dans toi, mon rêve, dans moi, ton rêve. J'en ai fait pas mal et après tu es conscient que t'es en train de rêver tu vois. Moi dans mes rêves genre j'ai déjà volé hein. J'ai déjà été conscient dans le rêve que je volais. Je m'amusais comme un ouf. Je m'amusais, j'étais sur les nuages. J'ai je une question. Comme un ouf. J'allais même dans la galaxie. J'allais là où on était dans la Voie Lactée, j'étais dans la c'est galaxie. C'est là où tu voulais aller. En pleine apesanteur. C'est là où tu voulais aller. Je sais pas, c'était le rêve qui me guidait. Ah bah voilà, donc j'étais en plein sommeil, mais j'étais conscient. J'étais conscient en plein sommeil. Non, c'est plus que c'était un rêve. C'était un rêve comment dire, qui touchait la qui touchait le réel un peu. C'est un rêve lucide, ça s'appelle. Non. Si, je te promets, un rêve lucide. Un rêve lucide, tu... Un rêve lucide, ça s'appelle comme ça. C'est quand t'interagis dans ton propre rêve. Ouais. T'as un autre rêve encore que vous avez évoqué. Le rêve prémonitoire. Les rêves qui te disent l'avenir. Les rêves moi, qui te disent l'avenir prémonitoire. Moi, j'en ai jamais fait, personnellement. On a notre... Mais à notre chroniqueur du système solaire là qui arrive là, on parle des rêves. Tu peux mettre le casque comme ça, tu t'entends mieux ta voix. Yo primo, ça va? Tu penses quoi de tes rêves, toi qui, tu as une imagination. Non mais c'est dire cousin quand même. Toi tu as une imagination très très développée. Tu penses quoi des rêves, Ignacio? Des rêves? Ouais. Bah, au micro. J'en fais quasiment tous les soirs. Mais je vois pas forcément les images, mais je suis conscient de mes rêves. Le lendemain, quand je me réveille, je me souviens de mes rêves. Ouais, et tu as rêvé quoi récemment là? Récemment? Ouais. Récemment j'ai rêvé de la guerre des Chinois, des Noachis, des Capverdiens. En Kung Fu et en guerre. Et tu as des rêves, les gens de système solaire, ils sont des rêves ou pas? Justement, le petit que vous essayez de ramasser tout à l'heure là, c'est mon petit frère qui l'a mis dans la galère parce que. Ouais, mais bon, c'est intéressant les rêves de là. Bonjour, vas-y. Attends, voilà. Gino, il réalise souvent ses rêves. Tu vois, Quand c'est en couleur, ça veut dire que c'est... Oh mon Dieu. C'est plus vrai ou... Putain, Latino. Latino. Qu'est-ce que ça veut dire quand c'est en couleur? Attends, se mets à l'aise. Mets-toi à l'aise. Mets-toi à l'aise. Fais-toi à l'aise. Black Ace, j'avais une question pour toi. Tout à l'heure, tu as dit que quand tu, ça t'était déjà arrivé de rêver que tu volais. Comment tu faisais pour voler dans ton rêve? De ce que je me souviens, en fait, j'avais un total contrôle de mon corps. Et en fait, c'était comme si je nageais sur l'eau, mais en fait, je nageais dans l'espace et j'avais le contrôle de la gravitation, en fait. Okay. Bah, comme si je nageais dans l'espace un peu. Je pouvais aussi marcher. Je pouvais marcher dans le néant. Mmh. Au-delà des nuages et de la terre et de la couche d'ozone, je pouvais marcher dans le néant. Je pouvais faire ce que je voulais. Ok, d'accord. Ce que je voulais. Je pouvais marcher, je pouvais nager, me balader. Je pouvais faire ce que je voulais. J'avais un total contrôle de mes mouvements dans le néant. Après, j'ai pas été jusqu'à la Lune, j'ai pas rencontré d'autres planètes, et j'ai vu des météorites, des météorites, des comètes, et voilà. T'es le meilleur, tu parles bien, t'es le meilleur. Ouais. Voilà, donc ouais, ouais. En gros, oui. Attends, en gros. Quoi? Donc en gros, oui, voilà, je vivais mon rêve à fond jusqu'à ce que je réalise que je rêve et que je me réveille par la suite en deux temps. Moi, j'ai si, déjà... Si, t'as des choses à dire. Moi, c'est réel. Hein. Moi, j'ai un truc à vous dire, c'est que j'ai 50 ans d'expérience. J'en ai avec des vies depuis là, j'ai 15 ans. Je me suis marié 17 ans, ma femme m'a mis du bois à cause de l'alcool. J'ai un collègue depuis là, j'ai 20 ans, j'ai pas tenu le genre. Il n'y a aucune femme, ceux qui peuvent, qui fument du site, il n'y a aucune femme qui voudra de vous. Vous êtes tous célibataires. Si vous voulez une femme, si vous voulez une femme bien, l'expérience que j'ai, si vous voulez une femme bien, quand vous buvez, il n'y a personne qui voudra de vous. Quand vous buvez du site, il n'y a personne qui voudra de vous. Et attends, attends. Si vous voulez une femme, je voulais une femme sérieuse, si vous voulez faire votre vie, et vous, de temps en temps, il faut consommer de temps en temps. Il faut consommer tous les gens. Quand on consomme tous les gens, l'alcool et le site, il n'y a aucune femme qui voudra de toi, mon frère. C'est l'expérience que j'ai. C'est l'expérience. Moi, j'ai un collègue, il n'y a aucune femme qui voulait de moi. C'est les gars qui jouent ça. Il va jamais s'arrêter. On peut mettre quelqu'un qui joue ça. Voilà. Eh, tu vois, quand tu rêves, quand tu fais un rêve et t'es conscient, t'as pas l'impression que le rêve que tu fais, tu peux pas faire ce que tu veux, mais en fait, tu fais un rêve qui... Ça a une conduite, tu vois. Je sais pas si t'as remarqué ça. Je suis pas agir, je suis pas agir. Genre, en gros, tu fais un rêve. Non, tu peux pas agir. Tu sais ce qui va se passer. Tu gères pas le rêve, tu vois. C'est... Parce que lui, il parle de gérer le rêve. Mais moi, j'ai remarqué dans un rêve lucide, quand tu fais un rêve, et que t'es conscient, t'es conscient que t'es dans un rêve. Comme tu vois un film. Voilà. Mmh. Mais tu sais que tu le vois. En fait, tu gères pas le truc en gros. Voilà. T'as capté. Mais Adib, un rêve dans le noir. Tu comptes sur un rêve. T'as déjà vu dans ta tête. Ou que t'as zéro aussi, et ben je réussis toujours. Hein. Ah. Mais attends, parmi vous, qui a vu le film Inception avec Leonardo DiCaprio? Hein? Qui a vu le film Inception? Moi, je l'ai vu. Et les autres qui l'ont vu? Moi, j'ai vu. Titanic. Qui a vu Inception? Parce que c'est intéressant. Moi, je voulais juste dire que c'est intéressant que tu regardes ce film. Pour que tu comprennes vraiment la notion du rêve lucide. Quel film? Inception. C'est quoi ça? C'est un film avec Leonardo DiCaprio. Il faut que tu le regardes pour que tu comprennes vraiment la notion du rêve lucide. C'est un bon comédien de celui-là que tu as dit là. C'est un bon comédien. Il a fait Titanic. C'est vrai, il a fait Titanic. Il a fait plusieurs films. C'est vrai. Moi, je connais plus des films dans les années 90. Je regarde que ça. C'est mes amis à mon époque. Les meilleurs films, c'est les années 80-90. Jean-Paul Belmondo, Bruce Willis, Charles Zeneguer, Bruce Lee, Jackie Chan, Will Smith, Omar Sy, Denzel Washington. Ça, c'est le meilleur film. Maintenant, il faut quitter ça, le film. Maintenant, votre génération, c'est de la merde. Mais moi, je voulais juste rajouter un truc. Vas-y. Sur les rêves. En fait, je vais pas le faire. Je vais vraiment pas les aller dans un film, c'est le meilleur. T'as raison, pas. Attends, on écoute Farouk qui va dire. Je me souviens pas de mon rêve précisément, mais je me rappelle d'un rêve où je me suis réveillé. Mais j'étais toujours en train de dormir. Mais c'est réel, ce rêve. Il va se réaliser. Je me suis réveillé. Il va se réaliser. Et là, je savais pas. Et là, je savais pas si j'étais réveillé. C'est dans le Coran. Regarde. Au bois dormant. Quand on avait le bois dormant, il a raison. Regarde. Dans ce rêve de Bachara, le rêve israélien, il y a des rêves qui se réalisent. Si c'est un loto. Si c'est un loto, il y a des rêves qui se réalisent. T'as déjà fait un rêve? Mais le même réveil et tout. Moi, Crary, j'ai fait un rêve. J'ai déjà fait des rêves où, genre, je rêve, mais je suis dans ma pièce, tu vois. Je suis dans ma chambre, tu vois. Je vois que c'est ma chambre, tu vois. Je suis bloqué comme ça. Et après, je me réveille. Je vois, c'est en gros, je rêve comme si. T'as rêvé d'un rêve. En rêvant d'un rêve. En gros, je sais pas, je rêve que je suis dans ma chambre. Et je me réveille, je vois, c'est pareil, c'est ma chambre, tu vois. Je sais pas comment dire, tu vois. Mais moi je pense que c'est la preuve un peu que Ignaltinho, il dit qu'il y a des vies parallèles. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire un rêve que vous êtes en train de rêver? Hein? Oui, non, mais c'est ça. Mais il y a, en fait, il y a un rêve. Il y a des rêves qui se réalisent. C'est la réalité. Il y a des cauchemars qui se réalisent pas. Les rêves, ils se réalisent. Les cauchemars, ils se réalisent pas. C'est de le Coran. Tu sais, il y a un rêve qui s'appelle le rêve de Chuang Tzu, un chinois. Qui était un papillon. Mais qu'il volait super content dans les airs. Et quand il arrête le rêve, il se réveille. Il ne sait pas si c'était un papillon qui rêvait d'être un humain ou un humain qui avait rêvé d'être un papillon. Bon, laisse-moi faire mon freestyle. Vois, parce que le papillon se transforme, c'est chrysalide qui devient autre chose. Tu vois, et peut-être l'hallucination, comme tu dis, c'est une manière pour nous de devenir de papillons et percevoir des choses que les autres ne perçoivent pas. Donc, pour finir avec les rêves, 20 minutes. Nous reste 20 minutes et il reste 3 chanteurs encore. Pour finir avec les rêves, rêvons bien et. Des beaux rêves. Et ouais, on va faire de beaux rêves, c'est ça. Par contre, pour ceux qui prennent terre à l'aile, ça veut dire cauchemar. Terre à l'aile, ça veut dire cauchemar. Parce que pour Terralen, tu vas faire le cauchemar jusqu'au matin. Terralen, ça fait des cauchemars. Ça fait des cauchemars, c'est la vérité. Tu veux être l'expérience. Je vais te le mettre à ce moment, petit gâtré. Okay. Okay. L'expérience, dans petit gâtré. J'ai rappé pendant un mois. Mon album, c'était Best Reflex. Mais sauf que. Moi, je comprenais ce que je disais, et chaque personne me disait qu'il comprenait différemment. Tu vois ce que je fais pas ou quoi? Ouais, chacun comprend des manières différentes des choses. Hein. On parlait tout à l'heure de la vérité, il y a un philosophe qui s'appelle Épicure, qui dit qu'il y a multiples vérités, il n'y a pas une seule vérité. Il y a des vérités chacun par rapport à ces objets, ces choses. This momentous decree came. Ça, c'est Martin Luther King. C'est quoi un rêve en couleur? C'est quoi un rêve en couleur? Un rêve en couleur? C'est un rêve qui n'est pas en manga, c'est ça? Quand tu vois, attends, comme ça? Orange, rouge, vert, bleu. Ah, donc tu le vois en couleur. Ça, ouais. Moi, tu le vois en noir et blanc d'habitude. Auparavant, je le voyais en noir et blanc. Ah, c'est un chien. Parce qu'il a le tignon, il a accès à des perceptions que les autres n'ont pas. Hein. Tu vois. Et moi, t'affiche. C'est ça, hein. Et bon. Tout bien? Tout de bien, tout de bon. Tout friche, tout friche, hein. Waouh, et alors, tu voulais dire autre chose, hein? Non. Free. Alors, tu voulais dire quelque chose sur les rêves? Non. Bon, on va passer alors à la musique. Qui commence là? Avant, on va finir sur le rêve par comme Junel n'est pas là. Comme Junel n'est pas là, il y a un autre rêve là qui s'installe ici. C'est une cagnotte. Parce qu'il y a deux personnes qui m'ont demandé des sous. Ça veut dire qu'on a envie de manger et de boire. Donc ce serait envisageable de créer une cagnotte. Ceux qui peuvent, bien sûr. Mettre 20 centimes, 10 centimes, 50 centimes. Une cagnotte et on achète de quoi boire et de manger. Comme ça, ça nous met bien tout le monde. Toute la communauté. Voilà, hein. Tu veux faire une cagnotte parce que t'as pas de sous. Moi, j'ai un rêve. Il veut faire une cagnotte parce qu'il n'a pas de talent. Attends, s'il te plaît. Ils sont deux à me demander des sous, frère. Ils sont deux à me demander. Attends, s'il te plaît. J'ai fait un rêve. J'ai réalisé. C'était de ne pas me nourrir, d'avoir de la force sans me nourrir et sans boire, et mon rêve s'est réalisé. Et je vivais avec ma soeur jumelle. Et on faisait tout ce qu'il fallait de faire. Mais j'ai pas compris en 2008 pourquoi ça a recommencé. Tu as combien de jumeaux, toi? Je connais déjà trois. J'ai pas de jumeaux. Mais tu as dit une soeur jumelle, là. Attends, je connais au moins trois, hein, c'est bon. Hein. Oh. Tu as les droits. Ici, à la radio, tu as les droits. Ici, à la radio, plus on est en hallucination, en délire, c'est mieux. Moi, je connais trois. Tu m'as dit que tu en avais trois. Tu m'as dit que t'en avais trois. Il y avait Ignatino et... Igualtino. Non, maintenant, il y a une quatrième peau. Ah ouais? Ouais. La quatrième peau. J'ai vu tout à l'heure. Et, après, et c'est qui la quatrième peau? Ça, c'est la sœur jumelle. Non, la quatrième peau, c'est... C'est pas ça que je mets, parle bien de ma soeur jumelle. Parle bien de ta soeur jumelle. Non, de ma soeur jumelle. Parce qu'elle est aussi dangereuse que moi. Par exemple, Ah, vas-y, continue. Ça, c'est les effets spéciaux. Mais lui, il rigole sans peur, on s'arrête. Non, mais continue, il Igualtino, c'est sympa. Attends, je comprends pourquoi on te prend la vidéo. Mais c'est sympa, Igualtino, mais arrête, pourquoi tu pars? C'est bien? Non, moi, je suis pas ici. Ouais. Je t'ai présenté avec Igualtino, il a un terrain à Bondina. Il me l'avait dit, il a un terrain à Bondina. Il reste 10 minutes. Hein. Vas-y, reste 10 minutes. Commence moi. Ah, je peux. Bon. Merci. Et moi, c'est quoi sur les casques? Toujours rien à les trucs. Et je démarque. Ça, c'est le cours. Je les marre qu'ils ont pris leur gosse, chez nous où nous réveillons. Tu dis la différence entre les femmes rêvent différemment que les hommes, tu penses? Non, je pense. J'ai dit, il y a des mecs. C'est l'oreille, elle déconne. L'oreille, elle déconne, ouais. Ouais. L'oreille, elle déconne. L'oreille, elle déconne. Non, mais Tino, on va faire du rap, t'aimes bien le rap, ce que je me souviens. Aïe, ah, ouais, on fait du rap, mais non, on fait du rap, t'as capté. Ok, on y va. Tous les rappeurs, hein. Ouais, on y va. Let's go. Non, je vais mettre l'instru, là. Tu sais, Inaltinho, il y a quelqu'un qui dit la pensée naît dans l'oreille. Oh là, on n'est plus en mode intellectuel, on est en mode rap là. Ouais. C'est bon. Là, c'est vrai, là, c'est vrai, on est en mode rap là, tu vois. On est en détente. Bah. Vas-y. Ok, MTR. Non, là, c'est Doudou là. Non, c'est. C'est Didier. C'est qui là? C'est lui. C'est qui là? Ok, Didier. Vous êtes conscient ou pas? De riche, ma mère elle me dit de faire la prière parce qu'il n'y a pas de code de triche, il n'y a personne qui m'incite. Tu peux tâter ton asile dans le tunnel, il n'y a pas de lumière. Elle, ma mère, fait des prières. Ceux qui m'ont tourné le dos, des gars qui m'appelaient mon frère. On partage un grec, même la même assiette. Handek, garde la pêche si t'allumes la mèche. Si t'as les couilles avec le fer, c'est pas que t'es du terre-terre. Terre-terre. C'est bon. Ah, l'instru. J'ai pas fini d'écrire. Ça marche. Ouais, ça me tient, ça tient bien, quoi, tranquille, la bif, ça quoi? Quoi? T'as capté la référence? Ok, MTR maintenant, après avoir entendu. Ouais, ça me tient, je crois, qui est bien, quoi, tranquille, la bif, ça quoi, bien? Qui va mettre de la musique pour MTR? Je sais pas, moi j'ai une boîte, toi il charge là, tu vois. Mais non, il m'a rien dit. Chanson, s'il vous plaît, la chanson d'avant, je vais écouter la chanson. Tu veux qu'elle soit MTR, qu'on le fasse vite, parce qu'on a peu de temps, MTR. Vas-y, mais. Bon, c'est pas grave. Donc, tu veux mettre un autre avant, pendant qu'on cherche la question MTR. Est-ce que tu sais te débrouiller en acapella? Tu veux une instru quoi? Normal, hein. Instru drill, rap. Ouais, rap, ouais. Qui cache? Ouais, qui cache, ouais. Vas-y, je attends, sinon, je sais ce qu'on va faire, MTR. Toi, tu veux parler? Prends un micro, mets-toi là. Non, tu mets d'instru. Je vais le mettre une instru. Non, c'est bon, je la mets. Vas-y, mais vas-y, parle. Comme tu peux parler. Je suis après toi sur celle-ci. Vu que moi, je vais pas la finir. Vas-y. Maintenant, c'est bon, là. Vas-y. Attends. On a l'instru. Mais on n'a pas le temps, là. Franchement, il est 17h53. On n'a pas le temps. Ok, mais. Allô. Attends. Voilà. Tu as rien à dire, mais c'est déjà dit, c'est bien. C'est bon, vas-y. Mais le son, on a rien à dire. C'est bon. Bon, attends, vas-y, fais le son, mets le son, après je me casse après. Moi, demain j'ai le taf, tu captes, mets le taf. Ouais. No way, Pollack. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, je prête toute ta plume, j'emmène plus de Noël. T'écris. Écris A, B, C, D, au maternel. Quand t'écris, c'est des grabouillages. Quand tu viens, tu as tiqué fort. Ta maison est détruite. c'est un petit Lego quand tu détruis ta maison. Elle est cassée. Ouvre ta porte. C'est le Jack Daniel, il est au ciel. Quand tu ouvres ta plume, y'a une sorte qui coule dans les veines. Le bouteille ouvert. Quand tu ouvres ta bouteille, pas de verser dans la carabine. Martin va pêcher de l'oseille tous les matins. Ouvre ta maison, elle est ouverte. On vient de boîte de concert quand elle est ouverte. Tout est sorti comme potion magique. Ta potion magique, quand tu la bois, ça fume, ça proc. Tu la drogues, ta pose magique ton gué. L'extincteur est bien cabré. Quand tu mets une teuf, tu mets une teuf. Tu fumes, tu bois quand tu pars. Tu caisses des personnes, la police est bondée. Et montré, oui, parisie. 7, 7 et 9, 3 sans connexion. On attrape les keufs, on les sache. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ok. Full night. Ok. Loin de l'ennui, tché tché tché. Loin de l'ennui, tché tché tché. Loin de l'ennui, tché tché tché. Ok. Ok. Cette nuit, je t'éloignerai de l'ennui. Je t'éloignerai des dangers de Lucifer. Tu sais, tu connais l'homme et très bien ce qu'il peut faire. Je ne suis pas un ange, juste un démon. Sans elle, sans elle, je ne suis plus. Ma raison ne suffit plus. À côté d'elle, je retrouve l'ombre de moi-même. Pris dans mon propre jeu, maintenant est-ce que je l'aime? La passion est un feu, je crois avoir allumé la mèche. Je suis trop moi, je suis trop moi pour envisager une vie à deux. Je suis trop moi pour la combler comme elle le veut. Je suis trop moi, trop lui, trop mal. Et l'amour ne dure pas à l'infini. Stop la romance cette fois et vivons une liaison bien définie. Tu sais ce que j'ai envie? Ok, ok. Tu sais que j'ai envie de toi? En vrai, qu'est-ce t'attends ce soir? Tu sais que j'ai envie de toi? En vrai, qu'est-ce t'attends ce soir? Tu sais que j'ai envie de toi? En vrai, qu'est-ce t'attends ce soir? Tu sais que j'ai envie de toi? En vrai, qu'est-ce t'attends ce soir? Eh. Oh, eh, eh, eh. Oh, eh, eh, eh. Les sirènes chantent, les pêcheurs les entendent. Les sirènes chantent, les pêcheurs les entendent. 10 000 pêchés, les pêcheurs les entendent. Oh, bravo, bravo, bravo. Black Case. Bon, il nous reste 3 minutes. Quelqu'un veut chanter encore ou pas? Vas-y, vas-y, vas-y, Farouk. Elle est meilleure que tout le monde. Vas-y, Farouk, on t'attend. Tu mets quoi comme musique? Capella? J'aime le bas. Il y a différents styles, on n'est pas en compétition, t'inquiète. Non, on n'est pas en compétition. Moi, je suis là pour l'alcool, je suis malade. Hein. Moi, j'arrête pas l'alcool, c'est que je sors, je bois. Ça veut dire que les gens me rendent malade quand j'arrête de boire. On a tous quand j'arrête de boire, ça me rend malade. Depuis 20 ans, j'ai 50 ans, je bois de l'alcool. Bon, on écoute Farouk qui va chanter là. Ok. Tu vas parler? Tu vas dire quoi? Tu fais? J'ai juste écrit un texte, mais je sais, bah, lis, je sais, bah, pas, lis, je sais pas chanter. Mais... Bon, c'est pas grave. Ça s'apprend, hein. Farouk, ça s'apprend. On peut chanter sans savoir chanter. Ça s'apprend, Farouk. Ouais. Mais j'ai juste écrit, j'ai pas... Ouais, j'ai... oui, vas-y, vas-y. Tu pars, tu pars, tu pars. On t'écoute. En ce moment, je galère. Ces derniers temps, y a rien à faire. Du coup, pour changer d'air, je vais au cours de Yves Adler. Depuis l'année dernière, j'y assistais, c'était la DER. Y a pas de quoi en être fier. Ouais, je sais, c'est pas super. Et ouais, je sais, je suis du père. C'est pas comme si je vivais l'enfer. Au fond, peut-être que si, ça fait des mois que je frôle l'ulcère. Je vis pas en troupe comme tous ces cerfs. Je suis plus comme un loup, solitaire. Souvent, je suis dans ma bulle, mais à deux doigts de la crise de nerfs. À cause de ces crapules, sont prêtes à tout pour me vénère. Je dirais pas que j'ai vécu dans la misère, mais rien à foutre de toutes ces causes humanitaires. On le sait tous, qui en seront les bénéficiaires? Gare à ne pas te révolter au risque de finir en judiciaire. Je suis en roue libre, un peu comme les préliminaires. La nuit, je me délivre, les prétentieux m'éliminèrent. Prends pas à la lettre tout ce que j'énumère. Pense plutôt à l'être pour qui t'es tout. Je parle de ta mère. Voilà, c'est tout. C'est du stam. C'est bien. En tout cas, bon, les amis, juste pour vous dire que samedi prochain à 15h, aux 4 cours de la République, on se salue, on se voit pour commencer les projets radio-cinéma. Bon, mercredi prochain, il n'y a pas de radio parce que je ne serai pas là et on reprend ici dans 15 jours. Voilà. On était les métanoïaques et on vous dit quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? Vas-y, tu peux dire au revoir à tout le monde là ? Vas-y. Bon, moi, je vous souhaite une très bonne soirée à tout le monde et au revoir. Bravo. Super, les amis. Bravo, bravo. C'était beau aujourd'hui, non ? On a parlé. C'était lourd aujourd'hui. C'était bien.